Oui, on vous parlait du World Nuclear Waste Report, le WNWR. Alors, il ne s'agit pas du premier rapport à ce sujet, mais d'une première édition, qui en appellera d'autres, selon les auteurs. Selon eux, le stockage définitif des combustibles usés est insuffisant en France comme en Europe. Alors, vendredi, on évoquait la Finlande, mais on peut aussi parler du travail de l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, et de son projet CIGEO, le Centre Industriel de Stockage Géologique. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. On l'a souvent présenté comme un moment difficile à passer, une épreuve physique dans la vie d'une femme avec ses bouffées de chaleur, ses suées nocturnes ou encore ses effets psychologiques. Pourtant, tous ces effets négatifs ne touchent pas systématiquement toutes les femmes au moment de la ménopause. Et depuis quelques années, le regard change sur ce qu'on a pu appeler le retour d'âge. Alors avant de nous lancer dans toutes les questions liées à la ménopause, je vous propose d'écouter une archive sonore. C'était en 1955, le docteur Jean Vignaloux s'exprimait sur la question dans l'émission « Les médecins vous parlent ». La ménopause, au sens strict du mot, est l'arrêt définitif des périodes menstruelles. Mais cette définition est certainement trop limitée et ne rend compte que du signe principal de la ménopause. La ménopause est donc autre chose. En fait, la ménopause, comme l'entendent les médecins, est bien plus que cela. C'est un état de transition après l'âge adulte, une période où l'organisme s'habitue à un nouvel équilibre et qui peut s'étendre sur des mois, voire une ou deux années. La ménopause n'est pas un instant, mais bien une période, celle qui précède et celle qui suit l'arrêt des cycles menstruels. Il y a là toute une phase de la vie féminine, depuis longtemps dénommée l'âge critique, au cours de laquelle se modifie assez brusquement l'équilibre glandulaire, et cette modification peut, dans certains cas, être la source de nombreux malaises. La ménopause peut être comparée à un voyage en bateau. Parfois, la mer est calme et tout se passe bien. Si la mer est agitée, le passage est plus difficile. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que la traversée se termine toujours bien. Il n'y a pas un seul exemple de mort due à la ménopause. On en guérit toujours. Seule la durée du voyage et ses désagréments varient selon les sujets. Voilà pour cette métaphore maritime délicieuse. Une réaction peut-être, Daniel Assoun, à cet archive de 1955 qui parlait de la ménopause en des termes peut-être un petit peu dépassés, non ? Enfin, sa définition est juste, en fait. C'est bien un arrêt de fonctionnement d'un organe. Mais la façon un peu pontifiante qu'il a prise est un petit peu dépassée, effectivement, on peut le dire. Virginie Ringat, une réaction à cette archive ? Une première réaction, c'est que quand il dit de toute façon on en guérit, c'est qu'il sous-entend que la ménopause est une maladie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait discuter parce que c'est un processus physiologique et ça n'est pas une maladie. Daniel Delanoë, une réaction à cette archive. Et puis surtout, j'aimerais vous poser la question, la ménopause, finalement, quand est apparu ce terme-là ? C'est un mot qui est apparu, je crois, relativement tard dans le lexique médical en France. Oui, en effet. Oui, d'accord avec Virginie, que c'est une pathologisation de la ménopause dans le discours. Le terme de ménopause a été créé par le médecin français Charles de Gardanne en 1820, donc constitué par deux termes, ménos, qui veut dire les règles, pausis, l'arrêt, grec. Et ce néologie, ménopause, a succédé aux expressions qui existaient avant, la cessation des menstrues, la cessation des règles, ou comme l'évoquait ce médecin de 1955, l'âge critique aussi, mais qui était commun à l'homme. Et en créant le mot, de Gardanne en sorte créé la chose. On parlait de l'arrêt des menstrues, mais on parlait pas tellement des pathologies associées, de troubles associés, de choses comme ça. Et c'est venu avec cette entité, qui est devenue une entité médicale, un objet médical chargé de énormément de troubles et de pathologies construites par le discours médical. Alors avant d'arriver à cette pathologisation de la ménopause, avant d'en comprendre un petit peu les symptômes, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel, un petit peu comme un cours de SVT, concernant le fonctionnement du cycle ovarien et des raisons de l'arrêt des règles. Alors on va faire un petit rappel simple. Daniel Assoun, est-ce que vous pourriez nous rappeler les mécanismes à l'œuvre dans le cycle menstruel chez les femmes ? Alors c'est un mécanisme qui démarre à partir du début de la puberté, c'est-à-dire autour de 10 ans, puisque on considère que la puberté en moyenne est autour de 12 ans. C'est la mise en fonction effectivement d'un ovaire qui jusque-là était au repos, à l'arrêt, et qui progressivement, puisque là aussi pour la puberté comme pour la ménopause, c'est un phénomène qui s'étale sur 2-3 ans, où l'ovaire va commencer à sécréter des hormones, l'œstrogène, la progestérone, et puis petit à petit mettre en fonctionnement le mécanisme de l'ovulation, c'est-à-dire de la ponte chaque mois d'un ovule qui sera ou pas fécondé, bien évidemment, et qui donnera éventuellement une grossesse. Et donc c'est un mécanisme qui se met en place autour de 12, 13, 14 ans, qui dure tout au long de la vie jusqu'à 50 ans à peu près, puisque l'âge moyen de la ménopause, qui est très stable dans le temps et varie très peu, se situe autour de 51 ans. Donc c'est un mécanisme effectivement qui dure en gros de 12 ans à 51 ans. On peut rappeler, Virginie Ringat, dans tout ça, que toutes les femmes naissent avec un nombre limité de follicules ovariens. Oui, et tout à fait. Et ça c'est génétiquement déterminé. Et ce que je voulais ajouter à ce que disait Daniel, c'est que il y a une diminution progressive de la fertilité. Et en fait, avant la ménopause, il y a une période qu'on appelle la périménopause. Et c'est là où les cycles commencent à devenir irréguliers. Et en définitive, on parle de ménopause au bout d'un an sans règles. Et quand on a l'âge requis, c'est-à-dire autour de 50 ans. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et nous parlons aujourd'hui de la ménopause dans la méthode scientifique en compagnie de Daniel Assoun, de Virginie Ringat et de Daniel Delanoë. Alors on vient de faire un rappel sur le fonctionnement du cycle ovarien chez les femmes. J'aimerais à présent qu'on définisse ce qu'est la ménopause d'un point de vue physiologique. Virginie Ringat, vous le disiez à l'instant, la ménopause ne tombe pas comme un couperet, c'est progressif. Il y a plusieurs étapes et notamment cette fameuse périménopause ou préménopause dont vous parliez. Comment se manifeste cette périménopause, cette préménopause, et comment finalement, quels sont les signes avant-coureurs de la ménopause? Vous me posez la question à oui, moi, à vous, ou à Daniel? À vous, Virginie Ringat. Alors, la préménopause, c'est encore antérieur à la périménopause, et la périménopause, ça se manifeste par une irrégularité des cycles en particulier. Et il peut y avoir à ce moment-là certains symptômes qui en définitive sont les mêmes que ceux qu'on peut retrouver ou pas une fois qu'on est ménopausé. Enfin, c'est toute cette période en fait qui dure 4 ans avant l'arrêt complet des règles et qui peut après continuer plusieurs années après l'arrêt des règles avec en particulier le signe emblématique des bouffées de chaleur. Mais il faut vraiment préciser que ce signe n'est pas spécifique de la ménopause. D'abord, des hommes peuvent avoir des bouffées de chaleur à des moments d'angoisse, des bouffées d'angoisse par exemple, et des femmes peuvent avoir des bouffées de chaleur bien en dehors de la ménopause. Et les deux seuls signes de la ménopause, c'est l'arrêt des règles et l'arrêt de la fertilité. Voilà. Et ce sont vraiment les deux seuls signes complètement spécifiques. C'est vraiment ces deux signes-là qui font qu'on peut poser définitivement le diagnostic de la ménopause. Oui, au bout d'un an d'arrêt des règles. Daniel Assoun, est-ce qu'on a les moyens de prédire l'âge exact de la ménopause selon les femmes? Non, il n'y a pas véritablement de moyens. On sait que l'âge moyen, c'est 51 ans, que c'est relativement universel. Il n'y a pas beaucoup de différence selon les ethnies, par exemple. On a comme élément, mais qui est un élément on peut poser la question de savoir à quel âge les femmes de la famille ont eu la ménopause, parce qu'on sait que c'est partiellement génétique, cet âge de la ménopause. Il y a des familles qui ont des ménopauses plus tardive, au-delà de 50 ans. Il y a des familles qui ont des ménopauses plus anticipées, avant 45 ans, par exemple. Mais en fait, c'est quasiment impossible à prévoir avant. Alors, ce qui se passe, comme disait Virginie, c'est que pendant 3-4 ans, effectivement, c'est précédé par des troubles du cycle. Donc, on peut envisager et informer effectivement les femmes que cette ménopause va survenir sans qu'on ait véritablement quelque chose de définitif. Les dosages hormonaux sont en fait assez inutiles, car justement cette période de périménopause qui précède l'arrêt des règles pendant un an, eh bien, sur le plan hormonal, c'est extrêmement fluctuant. Mmh. Il peut encore y avoir des cycles qui sont, je dirais, entre guillemets, des bons cycles avec un fonctionnement ovarien qui est bon et des dosages hormonaux qui ne reflètent pas les dosages de la ménopause, et puis des cycles qui sont moins bons où on va avoir ce qu'on appelle une augmentation de l'hormone folliculostimulante. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait prévisible, mais en même temps on sait que ça survient autour de 50 ans pour la majorité des femmes. D'accord, donc on n'a pas une idée précise d'un âge exact où ça pourrait s'arrêter. En préparant cette émission, j'ai lu qu'on pouvait avoir recours à des tests sanguins, par exemple, qui portent sur le taux d'hormones antimullériennes. Alors, que sont ces hormones-là? Et puis, pourquoi ces tests-là pourraient éventuellement nous renseigner sur un âge un peu plus précis, Daniel Assoun? Alors, c'est pas du tout une évidence que ces hormones puissent renseigner de façon un peu plus précise. Et surtout, la question qu'on peut poser, mais qui est une question plus globale, c'est est-ce qu'il est nécessaire de savoir que l'on est en ménopause? Comme vous l'avez dit, c'est un phénomène absolument physiologique. Toutes les femmes seront ménopausées. Est-ce vraiment utile de savoir qu'on va être ménopausé à 49, 50, 51 ou 52? Quelle fonction ça aurait? En fait, sur le plan purement médical, aucune. Ce qui compte, c'est que c'est le confort qu'on peut avoir ou pas, c'est les symptômes qu'on a ou pas, parce que effectivement, la ménopause, dans la majorité des cas, n'est pas associée à une symptomatologie très importante et très invalidante. Donc, au fond, déterminer qu'on est ménopausé ou qu'on n'est pas ménopausé, ça n'est pas totalement utile. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement la ménopause, c'est l'arrêt des possibilités de procréation. Donc, savoir qu'on est en ménopause, c'est effectivement ne plus avoir à prendre de contraception, par exemple. Effectivement. Mais là aussi, c'est extrêmement difficile à déterminer parce que on va pouvoir donner des probabilités de conception qui sont fort basses, mais on ne pourra jamais dire que c'est zéro. Oui. Donc, il faut faire avec ces probabilités et non pas ces certitudes. Virginie Ringat, Daniel Assoun le rappelait à l'instant, les symptômes, quand on parle de ménopause, c'est un petit peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourtant, il y a quand même quelques symptômes un peu plus fréquents que d'autres. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces symptômes un peu plus fréquents que d'autres? Les symptômes les plus fréquents, en tout cas ceux qui sont les plus connus, ce sont les bouffées de chaleur. Et les bouffées de chaleur se manifestent par une sensation de chaleur qui vous envahit et qui peut être soit légère, soit tellement intense qu'elle oblige à enlever ses vêtements, les femmes deviennent rouges. Ça peut aller jusqu'à une sensation vraiment de malaise assez important. Bien sûr, ça n'est absolument pas dangereux, mais ça peut être extrêmement gênant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de la fréquence de ce type de symptômes, par exemple, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la façon dont cette fréquence a été évaluée. Parce que, par exemple, si on fait des études dans des centres médicaux où des femmes viennent consulter, elles viennent peut-être pas consulter spécifiquement pour des symptômes, mais elles viennent quand même consulter pour quelque chose, on a un risque d'avoir des fréquences de symptômes plus élevées que si on interroge des femmes souvenant, par exemple, dans la rue ou dans des études qui ne sont pas du tout faites en milieu clinique ou médical. Donc ça, c'est une première chose. Et les autres symptômes, il y a ce qu'on appelle les symptômes de la sphère génito-urinaire, la sécheresse vaginale, des symptômes de polacurie où on a envie d'aller uriner très souvent. Il y a aussi, ont été évoqués des symptômes de dépression. Oui. Là aussi, il faut vraiment être prudent parce que c'est très difficile de dire que c'est la ménopause qui est la cause de dépression qu'on a pu observer chez des femmes ménopausées. Donc là aussi, il faut être assez fin. Prudent, en fait, prudent. Et puis, il y a... Alors ça, on parle plus de symptômes, mais on parle de pathologies, c'est-à-dire des maladies un peu de type chronique, comme l'ostéoporose, qui est connue parce qu'elle donne des fractures du col, du fémur chez des dames carrément âgées. Et puis, après la ménopause, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire. Oui. Chez les femmes. On y viendra juste après à cette question des risques. Okay. J'aimerais juste, Daniel Assoun, comprendre un petit peu comment on peut expliquer ces symptômes d'un point de vue physiologique. Est-ce que ces symptômes apparaissent parce que il y a une cessation de la production d'œstrogènes et de progestérone? Est-ce que les deux sont intrinsèquement liés? Alors, c'est clairement lié, puisque quand démarre la baisse d'œstrogènes, qui souvent donc précède la ménopause confirmée, c'est-à-dire après un an sans règles, il y a une baisse d'œstrogènes. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des centres de la thermorégulation, avec les récepteurs d'œstrogènes qui sont sur ces centres de thermorégulation. Cependant, ça reste quand même assez mystérieux, parce que cette baisse d'œstrogènes, elle est vue chez toutes les femmes. Toutes les femmes ont une baisse d'œstrogène et elle est importante. L'ovaire ne sécrète plus l'œstrogène. La FSH, qui est une hormone, non pas de l'ovaire, mais de l'hypophyse, augmente. Donc il y a toute une modification du cycle hormonal. Et pourtant, pour le même taux d'hormone œstrogène, eh bien, toutes les femmes n'auront pas de bouffée de chaleur. Il y a à peu près 20% des femmes qui n'ont pas du tout de bouffée de chaleur. Or, les taux d'œstrogène sont effectivement très bas. Donc, il y a quelque chose au niveau de ces centres thermorégulateurs qui est mal expliqué. On n'a pas véritablement encore d'explication sur la survenue ou pas de ces bouffées de chaleur. Virginie Rinsga, est-ce qu'on a une estimation de la proportion de la population féminine qui présente un ou plusieurs symptômes au moment de la ménopause? On a plusieurs estimations, mais à chaque fois, elles sont discutables parce qu'elles portent sur des populations qui ont des caractéristiques différentes. Donc, ça peut. Et puis, il faut aussi faire attention à quel moment sont estimées les bouffées de chaleur. Si c'est en périménopause, si c'est après la ménopause, là aussi, ça peut varier. Et donc, il y a des pourcentages qui vont de, bien sûr, aucune bouffée de chaleur, et quelques pourcentages, de 5% des femmes qui ont des bouffées de chaleur. Et il y a une étude qui a observé 79% des femmes qui avaient des bouffées de chaleur. Mais ça, ce n'était pas des études françaises. Mmh. Et là aussi, il faut être vigilant parce que les caractéristiques propres des femmes, comme par exemple le surpoids, la minceur, le surpoids, peuvent jouer sur l'apparition des symptômes. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que des facteurs comme la position sociale, le diplôme, pouvaient jouer sur l'existence de bouffées de chaleur. On perçoit bien là toute la difficulté en fait de la quantification de ces symptômes-là, de la quantification par des études scientifiques. Daniel Assoun, comment on l'explique, cette difficulté à quantifier des proportions importantes ou non de femmes qui présentent des symptômes au moment de la ménopause? Alors, je n'ai pas d'explication à ça. Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est quelque chose qui, au fond, la quantification, là aussi, importe assez peu. Ce qui compte, c'est la façon dont les femmes le vivent. C'est-à-dire que, en consultation, ce qu'on voit, ce sont des femmes qui parfois ont beaucoup de bouffées de chaleur et qui disent que ça ne les gêne pas tant que ça, et des femmes qui ont peu de bouffées de chaleur et qui disent que ça les gêne épouvantablement dans leur vie sociale. Donc, au fond, la quantité, l'importance n'a pas beaucoup d'importance. En réalité, en consultation, dans notre pratique clinique, ce qui compte, c'est le confort. Et notre question, c'est toujours la qualité de vie. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est pénible pour vous? Est-ce que ça a des conséquences dans votre vie sociale, affective? Et c'est en ça qu'on va parler un peu plus tard, je pense, du traitement. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on va répondre. Donc, si vous voulez, nous, ce qui nous intéresse, dans la mesure où ce sont des symptômes qui évidemment ne sont pas mortels, hein, comme disait le monsieur là des années 50, c'est pas pour autant que ça n'est pas grave et qu'il faut pas en tenir compte. Le vrai problème, c'est l'inconfort et les difficultés à vivre que certaines femmes, je dis bien certaines parce que ça n'est pas vrai pour toutes, ont, et la réponse qu'on va nous pouvoir leur apporter à cette difficulté. Donc, quantifier, non, c'est pas ce qui me semble le plus important, en tout cas dans une pratique au quotidien. Virginie Aringa, on parle aussi pour certaines femmes de ménopause précoce. Alors, pour quelles raisons certaines femmes peuvent connaître une ménopause avant l'heure? Alors là, il faudrait plutôt demander à Daniel. Daniel Assoun, alors. Alors, je pense que, non, mais il y a des éléments comme par exemple, les femmes qui ont eu des chimiothérapies peuvent avoir une ménopause précoce, ou des femmes à qui on a enlevé l'utérus et les ovaires. Mm-hmm. C'est des causes de ménopause précoce que je connais, mais sinon. Daniel Assoun, si vous voulez compléter. Effectivement, comme dit Virginie, vous avez les causes qui sont des causes parce qu'il y a eu des pathologies, parce qu'on a simplement, pour des raisons en général fort sérieuses, enlevé les ovaires, et donc on met les femmes en ménopause, bien évidemment. Mais si votre question porte effectivement sur des femmes qui n'ont a priori pas de pathologie et qui ont ce qu'on appelle des ménopauses, alors ça s'appelle plutôt maintenant des ménopauses anticipées, c'est-à-dire entre 40 et 45 ans, ça n'est pas véritablement pathologique. On constate ça aussi plutôt chez des femmes qui ont des familles à ménopause un peu plus précoce. Mais par contre, il existe un syndrome qui s'appelle l'insuffisance ovarienne prématurée, qui survient avant l'âge de 40 ans. Là aussi, ça reste un point d'interrogation. Il y a peut-être quelque chose génétiquement, effectivement, qui est inscrit et qui fait que l'ovaire s'arrête de fonctionner bien avant de ce qu'il aurait dû. Et là, c'est en général pathologique. Il faut rechercher une cause. Dans la majorité des cas, on ne la trouve pas. Et c'est surtout un énorme problème par rapport aux possibilités de procréation, parce que ce sont des femmes qui, effectivement, de façon extrêmement prématurée, ne peuvent plus concevoir. Mais la raison, véritablement, on ne la connaît pas. C'est un arrêt comme ça, qui là aussi se fait un petit peu progressivement et qui peut survenir, et qui survient donc avant 40 ans. Mais on n'appelle pas ça une ménopause, on appelle ça une insuffisance ovarienne prématurée. La ménopause, voilà, c'est réservé aux femmes d'une cinquantaine d'années, à cet arrêt naturel, on va dire, entre guillemets, voilà, du cycle ovarien. Virginie Ringa, vous l'évoquiez tout à l'heure, on parle parfois un petit peu de risque associé, et on en parle improprement, de risque associé à la ménopause. Alors, est-ce que le déficit en œstrogène et en progestérone provoqué par la ménopause peut être associé à un risque accru de développer certaines pathologies? Tout à fait. Parce qu'en ce qui concerne l'ostéoporose, donc l'ostéoporose, c'est une diminution de la densité de l'os et qui peut conduire à des fractures, détachements vertébraux. Et l'ostéoporose, c'est un phénomène qui se produit chez les hommes et chez les femmes à partir d'une trentaine d'années. Tout le monde, tous et toutes, on perd un peu de cette masse, de cette densité osseuse. Mais à la ménopause, enfin, au moment où les, il y a une diminution de, des hormones œstrogènes et progestatifs, œstrogènes surtout, mm-hmm. on observe une accélération de cette perte osseuse. Et c'est pour ça qu'on a associé l'ostéoporose à cette période. D'ailleurs, on l'appelle ostéoporose post-ménopausique. Donc, c'est vraiment lié à la ménopause. Mais c'est un phénomène qui touche de toute façon aussi les hommes ou les femmes plus jeunes. Mmh. Et les risques cardiovasculaires, avant la ménopause, les œstrogènes surtout, d'une certaine manière, protègent les femmes des maladies cardiovasculaires. Et avant la ménopause, le risque des hommes est plus important que celui des femmes. Et après la ménopause, le risque des femmes rejoint celui des hommes. Mais ça, c'est sans tenir compte de, par exemple, des facteurs de risque qui ne sont pas du tout hormonaux, comme le tabac. Et on sait que les femmes et les femmes plus jeunes se mettent à fumer beaucoup plus qu'il y a 20 ans, par exemple. Et donc, c'est difficile de savoir quels sont les facteurs qui jouent le plus, en définitive, sur le risque augmenté de maladies cardiovasculaires. Mais oui, ostéoporose et maladies cardiovasculaires sont aussi liées à la ménopause. Daniel Assoun, sur cette question des risques associés à la ménopause, on a aussi parlé d'un risque accru de développer un cancer du sein lié à la ménopause. Alors, est-ce que c'est une faute ? Est-ce que c'est une erreur de considérer ça ? Alors, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse le dire. L'ostéoporose, le cardiovasculaire, certains cancers surviennent également. Il y a un effet de l'âge. Donc, c'est une association de l'effet de l'âge, c'est-à-dire plus on vieillit, plus on a de risques cardiovasculaires, plus on a dans certaines familles de risques d'ostéoporose et plus on a de risques de cancer et en particulier du cancer du sein. C'est pas la ménopause qui est responsable, ou plutôt l'absence d'œstrogène qui est responsable de l'apparition du cancer du sein. Mmh. C'est plus le vieillissement. Le cancer, même s'il y a des cancers qui surviennent chez des gens jeunes, est malgré tout une maladie du vieillissement. Donc, c'est plus ce facteur-là qui intervient plutôt que l'arrêt des œstrogènes. Pour l'ostéoporose, je rajouterais aussi quelque chose par rapport à ce qu'a dit Virginie, c'est qu'il y a quand même un risque qui n'est pas le même pour tout le monde. Il y a un facteur génétique de l'ostéoporose qui est très important. Et donc, c'est un facteur, quand on fait la surveillance, quand on établit des surveillances, avec lequel il est important de tenir compte. Savoir si dans la famille, par exemple, il y a eu des femmes en particulier qui ont eu des fractures, à quel âge, etc. Donc, il y a aussi un facteur génétique. Mais pour le cancer du sein, non, c'est pas l'arrêt de l'œstrogène qui entraîne les cancers du sein. Voilà pour cette question concernant les risques associés ou non à la ménopause. Restez avec nous, après la pause, on reviendra sur toutes ces questions et notamment sur la question épineuse des traitements de la ménopause, mais aussi sur les enjeux non moins épineux, sociaux, liés à sa perception. Je te souhaite d'être heureuse, mais pas tout de suite. Que je te manque, que tu regrettes, que l'on soit quitte. Retomber amoureuse en premier, toi un peu jalouse, un peu vexée. Un requiem pour nos âmes blessées, conjure le sort, conjugue les torts, relance les dés. Tes yeux glacés me fend le cœur, j'ai tout essayé. Et la peine est si souvent doux, les petits matins troubles. Non, la peine ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je me débats, la vie sans toi, je n'ai pas de prise. Quand tous nos fantômes sont rassemblés, qu'importe l'amour, qu'importe l'été. Je te souhaite d'être heureuse, mais pas tout de suite. Que je te manque, que tu regrettes, que l'on soit quitte. Tomber amoureuse en premier, toi un peu jalouse, un peu vexée. Solidarité toujours avec la scène musicale française à 16h36 dans la méthode scientifique sur France Culture. Vous écoutiez à l'instant Soleil Noir par Elouva. Nous parlons tout au long de cette heure de la ménopause en compagnie de Danielle Assoun, gynécologue obstétricienne, de Virginie Ringat, médecin épidémiologiste, chercheuse à l'INSERM au Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations dans l'équipe Soins Primaires Prévention. Et nous retrouverons dans quelques instants Daniel Delanoë, psychiatre, anthropologue, chercheur associé à l'INSERM. Alors on va évoquer maintenant, si vous le voulez bien, les traitements liés à la ménopause. Ces traitements sont apparus à partir du milieu du XXe siècle et c'est à partir de là finalement que la ménopause a vraiment été médicalisée. On a commencé à proposer des traitements hormonaux aux femmes ménopausées. Pourquoi, Virginie Ringat, avoir commencé ces traitements de substitution hormonale ? Je pense que ça correspond vraiment à une vision médicale de carence. Et cette vision, elle est très particulière puisque c'est un peu comme si on comparait l'arrêt de la production des œstrogènes à l'arrêt de la production d'hormones thyroïdiennes par malchance on enlève la thyroïde à une personne et effectivement là elle a plus du tout d'hormones thyroïdiennes et c'est quelque chose de tout à fait pathologique, il faut y remédier. Et la carence œstrogénique, d'ailleurs le mot carence, exprime bien quelque chose. Oui, il est lourd de sens, ce mot. D'anormal. Voilà. Et à cette époque-là, ça, Daniel Delanoë en a aussi très bien parlé, la vision des médecins, c'était qu'une femme sans hormones, en gros, n'était plus une femme et pouvait à peine survivre, ce qui est bien sûr complètement faux. On va parler de toutes ces questions vraiment liées aux représentations un tout petit peu plus tard. Danielle Assoun, sur cette question des traitements hormonaux de substitution qui étaient proposés aux femmes à partir du milieu du XXe siècle, en quoi consistaient ces traitements-là? Et voilà, comment, à quelle fréquence les femmes devaient prendre ces traitements, etc. Alors, effectivement, à partir des années 60-70, on a commencé à donner des traitements hormonaux et logiquement, on s'est dit, on est dans la substitution, il manque des œstrogènes et de la progestérone, alors on va donner tout simplement, c'était assez logique de noter, des œstrogènes et de la progestérone. Alors effectivement, il y a eu cette médicalisation de la contraception, tout d'un coup les médecins et en particulier les gynécologues sont devenus les médecins de la ménopause et donc de quelque chose qu'ils ont considéré comme une pathologie, alors qu'effectivement, ça n'est pas une pathologie, mais une étape physiologique. Et pour un certain nombre d'entre eux, se sont-ils que, hors le traitement point de salut, et que le traitement était obligatoire. Effectivement, comme disait Virginie, un peu comme quand on n'a pas de thyroïde, on est obligé de prendre du lévothyrox, sinon c'est quasi impossible de vivre. Donc voilà, en fait, on substituait les hormones naturelles, œstrogène, progestérone, avec des hormones, évidemment des médicaments. Alors, ça a changé au fur et à mesure des années. On a très certainement, et là, sans aucun doute possible, amélioré la qualité de ces produits et on en a diminué effectivement les risques. Mais d'ailleurs, on appelait ça le traitement hormonal de substitution. Alors que maintenant, on a changé de terminologie, on parle du traitement hormonal de la ménopause. Le THM. Voilà. Substitution. On rappelle bien évidemment que ces traitements hormonaux de la ménopause étaient uniquement destinés à soulager, entre guillemets, les symptômes liés à la ménopause, mais en aucun cas de permettre un redémarrage de la fonction ovarienne, Danielle Assoun. Ah non, absolument pas. Alors, on savait très bien depuis le départ, ça. Alors, oui. Et le monsieur des années 50 le dit, effectivement, on savait que ça ne faisait pas démarrer. Simplement, ça donnait parfois l'illusion aux femmes. Et c'est intéressant parce que dans les années 70, quand on leur proposait des traitements hormonaux, elles disaient « ça va faire revenir les règles ». En fait, même les saignements qui survenaient à la suite de ces traitements sont ce qu'on appelle des hémorragies de privation et pas véritablement des règles. Ce n'est pas le mécanisme des règles, ce n'est pas le cycle menstruel tel qu'il était auparavant. Donc, non, ça ne faisait pas redémarrer. Bien évidemment, ça donnait l'impression que ça se poursuivait plutôt. On pourrait dire ça comme ça. En tout cas, c'est un peu l'état d'esprit. Alors, dans les années 70, on a donné ces traitements pas seulement aux femmes qui avaient des symptômes. C'est peut-être là où les choses ont un peu dérapé à un moment. Il y a eu une surmédicalisation là. Ouais, à tout le monde, sans se préoccuper de savoir s'il y avait des symptômes qui pouvaient être gênants ou pas. Et c'est parce que, comme je vous disais, hors du traitement point de salut, c'est comme si les femmes ne pouvaient pas vivre sans les hormones. Et c'est très étonnant parce que c'est quelque chose qui, depuis 20 ans, 30 ans, là, enfin 20 ans maintenant, a beaucoup changé. C'est plus du tout ce que demandent les femmes. C'est un peu moins ce que font les médecins et on a une totale autre approche effectivement de la symptomatologie et de la réponse qu'on va donner à cette symptomatologie. Oui, il y a eu un grand changement de paradigme, on aime bien cette expression, mais il y a eu un grand changement de paradigme au début des années 2000, Virginie Ringa. À partir de quelle étude il y a eu un véritable changement de point de vue sur l'utilité ou non de ces traitements ? À partir d'une étude qui s'appelle WHI, Women's Health Initiative, qui est une étude américaine, qui a en fait été la première étude rigoureusement menée pour qu'on puisse enfin savoir connaître les effets des traitements hormonaux. C'est-à-dire que jusqu'à cette date, pendant 20 ans, on a traité des femmes avec des traitements pour lesquels on n'avait pas de certitude en ce qui concernait les effets délétères, c'est-à-dire les effets dangereux. Mmh. Et ça a été une très grosse étude qui exigeait des gros financements. Une grosse étude américaine. Et américaine, oui. Et d'ailleurs on a dit que c'était parce que c'était une femme qui était à la tête du NIH que ça avait été, qui a décidé de mettre en place cette étude. Et cette étude, dont la méthodologie est vraiment excellente, même si elle est discutable, toutes les méthodologies sont discutables à un moment, a prouvé qu'il y avait un effet délétère dangereux de certains traitements hormonaux sur le risque de cancer du sein et a aussi remis en question l'idée qui était que les traitements hormonaux pouvaient protéger de l'infarctus du myocarde ou d'autres maladies cardiovasculaires. Elle a aussi remis en question un bénéfice potentiel sur la maladie d'Alzheimer. Mmh. Et cette étude, elle a produit des résultats 10 ans, 15 ans après. Et donc, ça a été une espèce de bombe, c'était en l'été 2002, parce qu'elle a été reprise par des médias pas forcément seulement scientifiques, et donc ça a remis complètement en question ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque de ce traitement. Donc là, Daniel Assou, on comprend bien que tout a changé à partir de 2002. Depuis 2003, il n'est pas recommandé d'utiliser un traitement hormonal de façon systématique dans le cas de la ménopause. Mais dans quel cas est-ce qu'on prescrit tout de même un traitement ? Alors justement, ce qui intervient dans la prescription de ces traitements, c'est le confort de la femme, la qualité de vie. C'est-à-dire que la question, c'est avez-vous des symptômes ? Quels symptômes avez-vous, bien sûr ? En particulier les bouffées de chaleur et les suées nocturnes et la sécheresse vaginale, qui sont effectivement les trois éléments que l'on retrouve le plus souvent dans les symptômes de la ménopause. Mais ce qui va déterminer la prescription du traitement ou pas, c'est est-ce que ça modifie votre qualité de vie ? Est-ce que ça empoisonne votre vie sur le plan professionnel ? Est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que vous... l'une des conséquences, par exemple, des suies nocturnes, c'est d'entraîner un très mauvais sommeil. Donc, les troubles du sommeil, ça a quelques conséquences, effectivement, sur la vie au quotidien. Donc, c'est ça qui va déterminer. Donc, première question, est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que vous êtes vraiment handicapé par ces par ces symptômes? Et deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre un traitement hormonal? Et là, la réponse, bien évidemment, depuis 20 ans, a, comme vous pouvez l'imaginer, énormément changé. Mmh. Le rapport aux hormones, vous l'avez vu pour d'autres cas, et en particulier, on l'a vu pour la contraception hormonale, a totalement changé. Et si certaines femmes sont parfois gênées, elles ne veulent pas, cependant, prendre de traitement hormonal. Donc là, c'est une discussion, évidemment, et c'est la dame qui décide si oui ou non elle veut bien prendre un traitement, parce que nous n'avons pas d'autres traitements efficaces. Aucune des études qui ont été faites avec des phytoestrogènes, avec des médecines alternatives, n'ont montré véritablement d'efficacité. Donc on n'a pas beaucoup d'alternatives, si vous voulez. Si on veut vraiment calmer les bouffées de chaleur, il n'y a guère que le traitement hormonal. Daniel Hassoun, est-ce qu'on a une idée de la proportion de femmes en France qui ont recours à un traitement hormonal de la ménopause? Alors, nous avons trouvé des chiffres de 2015 qui disent que 5% des à peu près 5% des femmes prennent un traitement hormonal. Dans les années 2000, on devait être autour de 25 ou 30%. Alors, même ce 25 et 30% est probablement à prendre un petit peu... Avec des pincettes. Oui, avec des pincettes, parce que beaucoup de femmes commençaient le traitement et beaucoup l'abandonnaient au bout d'un certain temps. Peu le poursuivaient pendant 10, 15, 20 ans. Mais on voit encore en consultation, et ça fait partie des 5% qui continuent à le prendre, des femmes qui le prennent depuis très très très longtemps, depuis 15, 20 ans parfois, et qui ne souhaitent pas l'arrêter. On le poursuit dans ces cas-là parce qu'on se dit que, mon Dieu, elles sont pas très à risque, que si survient un cancer du sein par exemple, il ne sera peut-être pas lié au traitement qu'elles prennent depuis maintenant 20 ans. Donc voilà, mais c'est à peu près 5% actuellement en France. Virginie Ringat, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la ménopause représente un enjeu dans la recherche pharmaceutique ou bien plus trop? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a représenté un enjeu, parce qu'en France, il y a 15 millions de femmes qui ont plus de 50 ans, et compte tenu de l'espérance de vie, les femmes vivent maintenant un tiers de leur vie ménopausée. Donc cet essor des traitements hormonaux, bien sûr, il faut aussi l'analyser dans une perspective économique. Et la question est maintenant, est-ce que les industriels continuent à chercher des traitements qui seraient moins dangereux? Pour l'instant, en fait, il n'y a absolument rien de nouveau, puisque quand on regarde les informations qui sont publiques de l'Agence du médicament en France, on voit que la dernière mise à jour qui concerne les traitements de la ménopause date de 2007. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau, mais il faudrait interroger des personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique pour savoir si effectivement... ils doivent être en train de réfléchir, parce que c'est un enjeu, en tout cas, on va dire, quantitatif, énorme, puisque ça concerne les femmes du monde entier. Depuis le début de l'émission, on perçoit bien l'évolution de la perception de la ménopause, et pas seulement du point de vue médical ou du point de vue de la recherche, mais aussi du point de vue social. J'aimerais qu'on aborde cette question avec vous, Daniel Delanoë. Je rappelle que vous êtes psychiatre, anthropologue et chercheur associé à l'INSERM. Vous avez écrit une thèse d'anthropologie et d'ethnologie sur la ménopause. C'était le premier travail français en sciences sociales sur la question. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à considérer la ménopause sous l'angle anthropologique et ethnologique? C'était dans les années 90, j'ai travaillé dans un journal médical, je faisais des piges, et j'ai voyé des publicités pour le traitement hormonal, on en a beaucoup parlé. Et dans ces publicités, on montrait des femmes qui prenaient ce traitement avec un commentaire pour que la femme reste femme. Donc c'était une prétérition, une forme rhétorique, dont le sens implicite, c'est qu'après la ménopause, la femme n'est plus une femme. Donc il y avait un mélange de biologie et de social, de genre, on va dire également, de domination masculine qui se condensait autour de cette question-là. C'était un très beau sujet d'anthropologie médicale, d'anthropologie du genre. Et en effet, j'ai vu à travers ces recherches que Les œstrogènes ont été inventés sans savoir à quoi ils allaient servir exactement. Et donc, l'industrie pharmaceutique a cherché à quoi les utiliser. On a cherché à la schizophrénie, l'examen. Et donc, a construit une image de la ménopause encore plus dramatique que celle qui existe dans la population générale, que la femme n'est plus une femme. Mais elle pourrait le redevenir grâce au traitement hormonal. Donc, le traitement hormonal a été doté, au-delà de ses effets pharmaceutiques, d'effets sociaux, d'effets dans une réalité symbolique, qui ont été minés quand on a vu qu'ils étaient tangents. Donc, c'est ce qui, cette immense campagne de publicité qui a commencé aux États-Unis dans les années 60, a pris fin donc en 2002, et l'enjeu de la féminité, entre guillemets, est beaucoup moins associé au traitement hormonal de la ménopause. Vous le dites, la ménopause représente et finalement l'espèce de miroir de la domination, d'une domination masculine à un moment donné dans l'histoire d'une société. Est-ce qu'il y a, dans ce travail d'anthropologie et d'ethnologie que vous avez mené autour de la ménopause, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez rencontré des cas de sociétés où la ménopause n'est pas un tabou et où au contraire elle est perçue de façon totalement différente d'une société occidentale, riche, développée, on va dire? Oui, il y a quelques sociétés où les femmes ménopausées ont un statut tout à fait favorable. Le plus célèbre, c'est les Indiens Moaves, décrits par Georges Devreux, des Indiens qui vivent le long du fleuve Colorado, où la ménopause est au contraire une phase d'épanouissement, d'épanouissement affectif, sexuel, amoureux, politique, familial. Les hommes recherchent les femmes ménopausées pour compagne, elles ont leurs petits-enfants avec elles, elles prennent la parole publiquement. C'était décrit dans d'autres tribus nord-américaines. Il y avait des femmes à corps d'hommes, notamment. Chez les Indiens Mayas du Mexique aussi, les femmes sont très contentes d'être débarrassées d'une fertilité subie. Et c'est des sociétés où la condition des femmes est en général plutôt bonne. À l'inverse, quand les femmes sont complètement assignées à leur fonction reproductive, elles perdent plus de valeur sociale à la ménopause. C'était décrit chez les Gissous en Afrique de l'Est. Une femme stérile qui arrive à la ménopause se suicide. Voilà, elle perd toute justification de son existence sociale. Donc il y a une construction sociale de la ménopause, de ses représentations, et qui est vraiment liée au degré de domination masculine. On a fait une étude comparative sur la ménopause des femmes tunisiennes en Tunisie, des femmes tunisiennes en France et des Françaises en France, avec Selma Hajri, médecin tunisienne, endocrinologue. Et on a vu que, par exemple, les femmes des milieux populaires se craignaient beaucoup pour l'altération de leur corps, alors que les femmes qui étaient éduquées, qui étaient cadres en Tunisie ou ici, craignaient beaucoup pour la perte de leur capital de séduction, leur capital beauté. Ce qui n'était pas le cas chez les paysannes, ou même en France, la femme bretonne, la paysanne bretonne, dirige son domaine et ne se soucie pas tellement du capital beauté. Donc la perception dépend de la situation de dépendance ou pas des femmes par rapport à leur groupe social. Les femmes françaises qui ont accès au milieu du travail, aux études supérieures, qui ont des responsabilités, et donc une identité largement construite au dehors du cercle familial, qui ont droit à une retraite, même si elle est encore inférieure à celle des hommes en moyenne, dépendent beaucoup moins donc de leur fonction domestique, de leur assignation à la fonction reproductive, et perçoivent de plus en plus la ménopause comme un non-événement. Daniel Assoun, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans un pays comme la France ou que dans un continent comme l'Europe, la ménopause n'est plus un tabou, ou en tout cas que c'est un tabou en train de disparaître? Je ne dirais pas ça, je pense que ça reste un tabou. Évidemment, ça n'est plus du tout vécu de la même façon. Je pense que les femmes qui arrivent à la ménopause, qui ont 50 ou 60 ans maintenant, d'abord ce sont des femmes qui ont eu, en tout cas en France, une maîtrise de la fertilité, donc elles arrivent effectivement dans d'autres conditions que ça pouvait se faire il y a 30 ou 40 ans, où le poids des grossesses, la difficulté par rapport à la contraception était grande. Donc pour la majorité d'entre elles, globalement, je dis globalement, c'est pas vrai pour toutes évidemment, elles ont eu à peu près le nombre d'enfants qu'elles souhaitaient, donc elles sont moins dans la douleur, je dirais, de la perte de la fertilité. Je pense que le tabou, il joue beaucoup encore sur le problème de la séduction, même si les femmes de 50 ans ont une vie active, professionnelle, pour celles qui sont les plus favorisées. Le problème de la séduction reste quand même une véritable perte à la cinquantaine. Le regard des hommes sur les femmes de 50 ans reste un regard, c'est pas vrai pour tous, c'est vrai évidemment, mais ça reste un regard qui n'est pas toujours très tendre. Donc oui, la ménopause, ça reste un tabou, c'est pas quelque chose dont on parle très facilement, c'est pas quelque chose qui est très partagé, et c'est parfois encore vécu comme quelque chose d'un peu honteux. Non, il y a un tabou encore. Moi, je dirais qu'il y a un tabou. Ça va bouger. Je suis extrêmement curieuse de savoir comment les jeunes femmes de maintenant, celles de MeToo et de tous ces mouvements, vont vivre effectivement et prendre en main la suite de leur vie quand elles arriveront à cet âge-là. Je pense que ça sera encore différent. Virginie Ringat, vous partagez cet avis de Daniel Assoun sur le fait que la ménopause soit encore un tabou en France ? Oui, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est aussi assez remarquable, c'est qu'en recherche, la plupart des personnes, des chercheurs qui travaillent sur la ménopause sont des femmes, à part Daniel Delanoë. Non, mais c'est quelque chose aussi qui est remarquable. Et depuis 2002, donc depuis cette remise en question majeure du traitement hormonal, il n'y a pas eu énormément de travaux sur la ménopause. Donc, ça reste une question effectivement particulière, et je pense que le tabou existe encore. Une question ouverte, et on espère que de nombreux scientifiques pourront s'emparer à nouveau de ces questions-là. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Daniel Assoun, Virginie Ringat et Daniel Delanoë, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour évoquer les nombreux enjeux liés à la ménopause. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Alexandra Delbault, François Malordi, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Valentin Bobinet. Et au programme cette semaine dans la méthode scientifique, mercredi, nous verrons comment les satellites nous aident à étudier la Terre avec notamment le programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Jeudi, nous recevrons le président de l'INSERM, Gilles Bloch, pour un grand entretien. Vendredi, nous parlerons de la mythique et inépuisable saga de science-fiction, la saga Dune de Frank Herbert. Et demain mardi, nous reviendrons sur la découverte récente de réserves d'eau inconnues jusqu'alors sur la Lune. À demain.